Yuri a deux oreilles, une bouche et puis un nez, à quel portrait partiel, mais là je ne l'ai pas terminé. Yuri n'est pas de celles qui veulent anticiper le repos éternel, elle le verra bien arriver. Yuri a des cheveux, des jambes et des poumons, de quoi faire des envieux, de quoi susciter l'admiration. Yuri a l'air contente dans sa drôle de voiture, elle dit qu'elle est volante, mais ça moi, je n'en suis pas aussi sûr. Yuri sympathique, soviétique et puis sympa, Yuri folle, folatique, se travestit à plus d'une fois, bien plus d'une fois. Yuri a des chevilles, un gros cœur et une prostate, ce n'est donc pas une fille, ça je sais, ça vous épate. Yuri sera danseuse dans des clubs plutôt chelous, elle sait très bien faire la lumeuse avec son tutu et son regard fou. Yuri elle a un œil et puis un autre de l'autre côté, comme ça il ne se sent pas seul, non là je n'ai rien inventé. Yuri est trompettiste, elle fait de la musique sonore, je vous assure que c'est pas triste et que ça réveillerait même un mort. Yuri sympathique, soviétique et puis sympa, Yuri folle, folatique, se travestit à plus d'une fois, bien plus d'une fois. Yuri elle a des dents, des omoplates et des reins, ah oui c'est épatant, c'est peut-être peu, mais c'est déjà bien. Yuri elle est née russe, en Union soviétique, et puis un jour elle a pris le bus pour venir près de l'Atlantique. Et Yuri fascine les gens avec son ambivalent, certains la voient et foutent le camp, et d'autres laissent passer leur chance. Yuri sympathique, soviétique et puis sympa, Yuri folle, folatique, se travestit à plus d'une fois, bien plus d'une fois. Sympathique, soviétique et puis sympa, Yuri folle, folatique, se travestit à plus d'une fois, bien plus d'une fois.